Vous avez reconnu le générique. On retrouve Franck Ferrand aujourd'hui dans l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 23 février 1893. Exactement, et Rudolf Diesel obtient le brevet du moteur qui va porter son nom. Diesel, c'est pas très compliqué. À la différence du moteur à essence, nul besoin de bougie pour enflammer le carburant. Le gasoil s'enflamme tout seul grâce à la compression de l'air. Alors je vous passe les détails techniques, d'ailleurs que je ne maîtrise pas bien. Je dis gasoil, je devrais plutôt dire d'ailleurs huile végétale, puisqu'au départ, Diesel avait conçu un moteur à huile. Alors dites-moi, qui est-il, ce fameux Rudolf Diesel ? Mais il est né à Paris en 1858, de parents immigrés bavarois. Pendant la guerre de 70, il est envoyé chez son oncle en Bavière. Or, cet oncle est prof de maths. Le jeune Rudolf se passionne pour les sciences, d'une façon générale. Et à 14 ans, sa conviction est faite, il sera ingénieur. Il mène des études tout à fait brillantes et ne va pas tarder à imaginer toutes sortes de nouveaux types de moteurs. Dites-moi Franck, il trouve tout de suite son idée ? Non, pas tout de suite. Non, il tâtonne, et même pas mal. Il conçoit d'abord un moteur qui fonctionne avec de la vapeur mélangée à de l'ammoniac. C'est un échec cuisant. Lors d'un essai, le mécanisme explose d'ailleurs et l'expédie à l'hôpital. C'est souvent le cas des inventeurs. En 1893, finalement, son principe fonctionne. Il lui faudra encore plusieurs années pour peaufiner ce moteur qui finalement sera présenté lors de l'exposition universelle de 1900 à Paris. D'ailleurs, il faudra attendre la fin des années 30 pour qu'une Mercedes et une Peugeot bénéficient du système diesel. Les bateaux, eux, l'avaient adopté plus tôt, au lendemain de la Grande Guerre. Rudolf Diesel était mort à l'époque, décédé en 1913 dans d'étranges circonstances. Il était à bord d'un paquebot allemand en direction de l'Angleterre quand, après dîner, il est 22h environ, on le voit quitter la table. Or, le lendemain, sa cabine est vide. Le cadavre sera repéré par un navire néerlandais et on ne saura jamais exactement ce qui s'est passé ce soir-là sur le pont de ce paquebot. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Oui, pour une heure consacrée à l'hypnose et aux hypnotiseurs à travers l'histoire. À tout à l'heure donc. Bienvenue sur Europe 1 et